إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui le cours de التوسل يعني المشروع والممنوع من التوسل écrit par le Cheikh Abdul Salam ibn Burgess Al Abdul Karim, et on est arrivé au cours numéro 4. Et le cours d'aujourd'hui va être au sujet des catégories de tawassul, les différentes catégories de tawassul. Le Cheikh il dit, rahimahullah, أقسام التوسل ننتقل إلى فقرة أخرى في هذا الموضوع، وهي أن التوسل ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. فما هو التوسل المشروع وما أدلته؟ وما هو التوسل الممنوع وما أدلة منعه؟ Donc le Cheikh il commence puis il dit: nous passons maintenant aux catégories du tawassul. Et يعني le cheikh explique que les catégories sont de deux. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de tawassul. Il y a le tawassul qui est mashrou', c'est-à-dire qui est légiféré, qui est permis par Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui est ordonné et recommandé. Donc ça c'est une catégorie de tawassul, tawassul al-mashrou'. Et il y a une autre catégorie de tawassul qui est at-tawassul al-mamnou', c'est-à-dire qui est interdit. Donc il y a un tawassul qui est permis, qui est halal, et un tawassul qui est haram, si on veut le dire de façon plus simple. Une forme qui est permise, une forme qui est interdite et innovée, et qui peut même parfois être shirk, hein, selon ce que certains font. Et on va expliquer ça. Yani, comme vous savez sûrement, il y a beaucoup de gens parmi les gens de Bid'a, et en particulier on retrouve ça chez les soufis et chez les Shia, Rafida. Eux, ils appellent les gens souvent à commettre du shirk, c'est-à-dire à invoquer et à prier aux morts et à leur demander dans leur tombe. Ça, c'est clair que c'est une forme de shirk majeur, une forme de shirk akbar qui fait sortir de la religion. Parfois, ils font cette chose-là directement. C'est-à-dire, ils vont adorer la tombe, ils vont faire un sacrifice d'un animal à côté de la tombe, ils vont aller faire le tawaf autour de la tombe, ils vont aller invoquer et demander aux morts directement de les guérir, de les aider, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est du shirk clair, hein, et du shirk majeur. D'accord? Tandis qu'il y en a d'autres qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, mais lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à Allah et ensuite il mentionne quelqu'un, il mentionne un prophète, il mentionne un homme pieux. Donc ils vont dire par exemple: oh Allah, je te demande par ton prophète ou par le statut de tel homme pieux ou de tel saint ou des choses de ce genre. Et ça c'est quelque chose qui fait partie des innovations. Et comme on l'a expliqué, donc il y a des soufis, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser un terme comme par exemple le tawassul pour essayer de faire croire aux gens que c'est quelque chose qui est permis et que c'est quelque chose qui est correct. Hein? Parce que le terme tawassul, c'est pas aussi clair, c'est pas aussi connu chez les gens en général que le terme dua, par exemple, ou que le terme shirk. Hein? Donc si ces soufis arrivaient devant les gens et disaient nous par exemple on fait le shirk avec les hommes pieux, on prend des intermédiaires entre nous et Allah dans nos doigts, on demande aux hommes pieux, hein, et on demande aux saints, les gens verraient clairement qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qu'il y a du shirk là-dedans. Donc ils vont utiliser des termes qui sont un peu moins connus et un peu plus disons plus difficiles à cerner, à comprendre, hein, qui sont un petit peu ambigus parfois, et puis ils vont donc présenter ça aux gens, puis ils vont dire ah, c'est Wahhabiya, hein, les gens qui suivent le Coran et la Sunna selon la voie des salafs, et parmi les savants qui ont suivi la voie des salafs, il y a l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc eux, ils accusent toute personne qui interdit le shirk et les bid'ah, ils les accusent d'être des wahhabiyas, hein. Donc ils vont dire, ces gens-là, les wahhabiyas ou les wahhabites, ils interdisent le tawassul, hein. Et ils vont dire, ils nous accusent de faire le shirk, mais ce qu'on fait, ce n'est pas du shirk, c'est du tawassul. Donc les gens entendent ça, ils disent, oh d'accord, donc le tawassul, c'est pas la même chose que le shirk. Donc c'est une de leurs ruses en fait, c'est une de leurs ruses d'utiliser des termes qui sont pas clairs, qui sont pas connus chez tout le monde, pour essayer de faire des ambiguïtés, pour se permettre de faire ce qui est contraire à la vérité. Et ça c'est la règle que tous les gens de la postée en général presque font. Et qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils vont toujours aller vers qu'est-ce qui est mutashabih, qu'est-ce qui est pas clair, hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, hein? Donc il clarifie Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 7 dans sourate Al-Imran que il cherche qu'est-ce qui est mutashabih. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont une maladie dans le cœur, une déviation dans leur cœur, ils cherchent ce qui est ambigu, ce qui équivoque, ce qui peut avoir plusieurs sens, comme le terme tawassul, hein, par exemple. Et on a expliqué son sens, et on a montré le sens qui est mentionné par les ulama de tafsir, et le sens qui est donné par les soufis. Puis on voit tout de suite déjà en partant qu'il y a un problème chez eux, et qu'ils déforment la réalité. Et ils font la même chose avec le terme dua, avec le terme nida, avec le terme istirata, avec le terme isti'ana, ils font la même chose, hein? C'est tous des mots, des termes qu'ils mélangent, hein? Ils mélangent le vrai et le faux dans ces questions-là. Donc on va tout de suite commencer donc à expliquer les différentes catégories de tawassul, puis on va clarifier au fur et à mesure ces exemples-là, puis à la fin on clarifiera aussi certaines de leurs shubuhat par la suite. الشيخ الدي التوسل المشروع. أما التوسل المشروع فإننا نعلم أن الله أمرنا أن ندعوه وحده لا شريك له، وأن الدعاء عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Donc le cheikh il explique, il dit que le tawassul qui est légiféré et qui est permis, c'est, yani, il explique qu'est-ce que c'est. Il commence, avant de l'expliquer, il commence par une introduction. Donc il dit, en ce qui concerne le tawassul qui est légiféré, eh bien, nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'invoquer lui seul, sans aucun partenaire. Et que le dua, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Et qu'il est interdit de l'offrir ou de la diriger vers quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou quelque chose d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne lui-même dans Surat Ghafir, le verset 60, il dit: et votre Seigneur a dit, hein, ça c'est la signification de ce que dit le verset, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vais vous exaucer. Ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de mon adoration entreront en enfer humiliés. Hein? Donc ça c'est le verset 60 dans Surat Ghafir. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il ordonne ses serviteurs de l'invoquer, hein, il leur ordonne de l'invoquer. Puis, à la suite du verset, il mentionne, ou il dit, ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de mon adoration. Donc, c'est pour dire que l'invocation, c'est l'adoration, en fait. Comme c'est mentionné même dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada. Hein, le du'a, c'est l'invocation, l'invocation, c'est l'adoration. Donc, ça c'est clair. Ensuite, le deuxième exemple que le cheikh a mentionné, c'est le verset 18 dans Surat Al-Jinn, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. » Hein? Donc ça, c'est clair que ici, d'invoquer quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est contraire au tawhid, hein, puisque l'adoration doit être uniquement à Allah seul. Donc si tu invoques quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu contredis l'ordre d'unifier et de ne mentionner que Allah seul dans tes invocations. Et l'exemple ensuite qui est mentionné, c'est le verset, le même, dans la même surah, surat al-jinn, le verset 18 et 19. Non, plutôt 19 et 20. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, il faillit se faire ruer en masse. Hein, il faillit se ruer en masse sur lui. Le serviteur d'Allah, dans le verset, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il faillit se ruer vers lui, c'est-à-dire il s'agit des djinns qui s'approchaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam tandis qu'il récitait le Coran, et cela fut la cause de leur conversion à l'islam. Et selon Ibn Kathir, yani, ce verset-là, il a été expliqué que ce sont les infidèles, yani, les kuffars, qui ont failli être contre lui en masse. Hein? Donc, lorsque le serviteur s'est mis debout pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il faillit se ruer vers lui en masse. Naam. Et après, justement, le verset 20, je n'invoque que mon Seigneur, dit au Muhammad, je n'invoque que mon Seigneur et je ne lui associe personne. Hein? Ce verset, il est très clair. Okay. J'invoque Allah seul et je n'associe personne avec lui. Donc, celui qui invoque d'autres avec Allah ou d'autres que Allah, il a commis le shirk. Il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il dit, وَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ لَنَا أن ندعوه على سير متعددة. أولا أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنقول مثلا: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم أن تغفر لي ذنوبي وتقيل عثرتي وتشفي مريضي. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et il a légiféré pour nous que nous l'invoquions de différentes manières, selon différentes formes, hein, selon différentes façons. Donc il y a différentes ou diverses manières par lesquelles on peut l'invoquer. Et c'est ça en fait qui représente, disons, les différentes formes de tawassul qui sont permises. Par exemple, il nous a ordonné qu'on l'invoque, par exemple, par ses noms et ses attributs élevés, par ses beaux noms et ses attributs élevés. Donc, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné par son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire des doigts comme celui-ci, par exemple. « Oh Allah, je te demande, parce que tu es Allah, hein, celui que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, hein, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Tu es le vivant et Al-Qayyum, celui, hein, sur qui tout, celui que tout a besoin de lui et que lui n'a besoin de rien. Al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même. Que tu me pardonnes mes péchés. Ça va, wa alaykoum salam. Non, j'ai commencé. Et je cherchais quelque chose, Yanni. Donc, c'est ça. Donc, dans le dua, Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-hayyu qayyum, an taghfir li dhunubi, wa taqilu athrati, wa tashfi maridi, aw tashfi maridi. Ça signifie, oh Allah, je te demande parce que tu es Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu es celui que rien ne mérite d'être adoré excepté toi, le vivant, celui qui se suffit à lui-même, que toi as besoin de lui, que tu me pardonnes mon péché, hein, que tu couvres que tu passes par-dessus ma chute ou ma faute, hein, et que tu guérisses mon malade. Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce qui est mentionné dans ce doigt-là. Et c'est en fait une forme de tawassul, puisque on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner ou de nous guérir ou de guérir quelqu'un, mais on le fait en commençant par sa glorification et la mention de ses noms, la mention de son unicité, la mention de son tawhid dans l'adoration, et ainsi de suite. Et ça, c'est un exemple de tawassul qui est permis, puisque c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire. Un autre exemple ici, وَشَرَعَ لَنَا أَن نَدْعُوَهُ شَرَعَ تَعَالَى أَن نَدْعُوَهُ بِالْعَمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي قُمْنَا بِهَا فَنَقُولُ مَثَلًا اللَّهُمَّ بِإِيمَانِ بِكَ وَتَصْدِيقِ بِرَسُولِكَ مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاتِّبَاعِي لَهُ اِغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَقِلْ عُسْرَتِي أَوْ اشْفِي مَرِيضِي. Donc, ça c'est des exemples de demandes qu'on peut faire. C'est une autre forme de tawassul qui est permise aussi. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré de l'invoquer par des bonnes œuvres qu'on a faites. Par exemple, si on a fait une bonne action, on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et faire un dua en lui mentionnant cette bonne action-là, puis en souhaitant par la suite ou en mentionnant ce qu'on veut lui demander. Donc on lui demande, mais on utilise comme moyen pour lui demander, comme pour être exaucé, une bonne action qu'on a fait uniquement pour lui. Hein? Et donc ça, c'est un exemple aussi de tawassul dans l'islam qui est permis. Et l'exemple, c'est, il dit par exemple, « Oh Allah, je te demande, donc, oh Allah, par ma foi en toi, et par le fait que j'ai cru en ton messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que je l'ai suivi, pardonne-moi et fais-moi miséricorde, ou couvre mes fautes et mon péché, passe par-dessus mes fautes et mes péchés, et guéris mon malade, celui qui est malade. » Donc ça, c'est des exemples aussi de tawassul qui sont légiférés. Il y a des preuves dans les hadiths à ce sujet-là. Un autre exemple aussi, وَشَرَعَ لَنَا نَوْعًا آخَرٌ مِنْ فِي سُؤَالِهِ تَعَالَى وَهُوَ أَنْ نَأْتِي إلى صالح من الصالحين في حال حياته وحضرته فنقول له يا فلان ادعو الله لنا أن يثبتنا أو يغفر لنا أو يشفي مريضنا ونحو ذلك فهذه أيها الأحبة ثلاث صور نتوسل إلى الله بها في دعائنا شرعها الله شرعها تعالى وسنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc la troisième exemple de tawassul que le cheikh a mentionné, c'est une autre forme de demande, et c'est de demander à une personne qui est pieuse et qui est vivante et présente, et d'aller vers une personne qui est vivante et présente parmi les personnes qu'on considère comme étant pieuses et vertueuses dans qui est droite dans sa religion, et de lui demander de faire un dua pour nous, de demander à cette personne d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, que Allah nous raffermisse, que Allah nous pardonne, ou bien qu'il guérisse nos malades, ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est une autre forme de tawassul qui est permise aussi. Et le cheikh, il dit, mes frères, mes bien-aimés frères, ça, c'est trois formes de tawassul par lesquelles nous pouvons nous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos du'as, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme exemple dans sa sunnah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il va donner des exemples un peu plus détaillés maintenant. إذن فالتوسل المشروع هو ما دل عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, le cheikh dit, donc le tawassul qui est légiféré, c'est ce qui a été indiqué et prouvé par le livre d'Allah, ou la preuve de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit, wa huna qad qila, qad yaqulu qa'il, hal at-tawassul khasun bid-du'a am annahu yakunu bid-du'a wa ghayrihi. والجواب أن التوسل هو التقرب إلى الله تعالى بكل أنواع العبادة التي يحبها الله ويرضاها ومنها الدعاء فالدعاء وسيلة إلى الله والخوف منه تعالى وسيلة إليه والتوكل عليه تعالى وسيلة إليه وهكذا لكن لما كانت الشبه المثارة حول التوسل إنما هي في الدعاء اهتم أهل الحق بهذا النوع من أنواع التوسل فيبين الجائز منه والممنوع. Donc le cheikh il explique. Et ça, c'est un point très important, une question très intéressante qu'il mentionne ici justement par rapport à cette question de tawassul ici et par rapport aux exemples qu'on vient de mentionner. Il dit, quelqu'un pourrait nous poser la question, après qu'est-ce qu'on vient de mentionner comme exemple de tawassul légiféré, quelqu'un pourrait nous demander, est-ce que le tawassul est spécifique à l'invocation et au dua? Donc, qu'il n'y a pas de tawassul en dehors des différentes sortes d'adoration que le dua seulement, ou bien ça peut impliquer aussi d'autres sortes d'adoration? Et le cheikh, il répond, il dit que le tawassul, c'est de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par toutes les différentes formes d'adoration que Allah aime et qu'il a agréé. Et parmi ces différentes formes d'adoration, il y a l'invocation. Donc, l'invocation est un moyen et une wasila, ça veut dire en français, une wasila c'est le moyen, donc c'est une forme de tawassul vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme la crainte d'Allah est une également une forme de tawassul vers Allah. Tout comme, at-tawakkul, fait de mettre notre confiance en Allah, est également une forme de tawassul. Une wasila vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Sauf que la raison pour laquelle les savants, lorsqu'ils ont écrit sur ce sujet, ils se sont concentrés sur les différentes formes de tawassul reliées à l'invocation et au dua. C'est particulièrement parce que la plupart des shubuhat et des ambiguïtés et des doutes qui ont été lancés au sujet du tawassul étaient particulièrement reliés au dua et à la question de l'invocation. Et c'est pour cette raison-là que les savants qui défendent la vérité, qui défendent le tawhid et la sunna, se sont concentrés sur cette forme de tawassul en particulier par rapport aux autres, et qu'ils ont expliqué en particulier ce qui est permis et interdit de cette forme particulière de tawassul qui est reliée en particulier, comme on a dit, à l'invocation. Justement pour enlever les ambiguïtés et pour faire en sorte que les choses soient plus claires par rapport à ce point-là en particulier. Parce que comme j'ai dit au tout début, les soufias et les rafidas et d'autres parmi les groupes d'égarements qui encouragent les musulmans à adorer des morts et des tombes et des saints, eh bien, ils se concentrent en particulier sur la shubha qui est reliée au tawassul par le dua et par l'invocation. Donc, le cheikh, il va donner des exemples plus détaillés par rapport aux formes de tawassul qui sont légiférées dans la sharia et qui sont permises. Donc, il dit premièrement, أما الأول فهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة وقد دل عليه قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Donc le cheikh il explique que premièrement, la première forme de tawassul qui est légiférée, c'est de faire le tawassul par les noms d'Allah, par ses beaux noms et par ses attributs élevés, et par ses actions de gloire et de majesté. Donc ça c'est prouvé par des exemples comme le verset 180 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « C'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Alors invoquez-le par ceci et laissez ceux qui dénaturent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient. » Et donc, ça c'est une preuve qu'on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et de lui demander par ses noms. Les ulama ont mentionné à ce sujet-là beaucoup de choses. Et par exemple, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Donc, de l'invoquer selon ses noms et selon la signification de ces noms-là. Hein? Comme lorsque tu veux demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes par son nom, qui va faire en sorte que son pardon va être manifesté. Et sa miséricorde. Donc, tu dis, Ya Ghafour, Ya Rahim, Ya Rahman, Ighfir lana warhamna. Hein? Tu l'invoques par ses noms. Parce que tu comprends la signification de ces noms-là et ce que ces noms-là impliquent. Et tu invoques Allah donc par les noms par lesquels tu souhaites qu'il t'exauce, c'est-à-dire qui vont faire en sorte qu'il va manifester ces attributs-là et ces noms-là. Hein? Donc le cheikh, il explique et il dit « وَمَثَلُ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتَ الْعُلَى وَمِثْلُ الْأَسْمَاءَ الحسنى والصفات العلى نعم لأن الاسم دل على الصفة التي اشتق منها. Donc il a donné l'exemple des noms, des beaux noms. C'est comme la même chose que les beaux noms, il y a aussi les attributs élevés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les attributs sont impliqués par le fait de mentionner les beaux noms? C'est parce que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala implique des significations. Et ces significations-là sont en réalité des attributs d'Allah. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Alim, et la signification de Al-Alim, c'est celui qui possède du ilm, celui qui possède de la science. Donc, la science, c'est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le savant, ou l'omniscient, ça c'est un de ses noms. D'accord? Al-Qadir, c'est le Tout-Puissant. Et il possède comme attribut par rapport à la signification de ce nom qui est Al-Qudra, c'est-à-dire la puissance. Hein? La même chose pour Al-Hakim, le sage. Eh bien, il possède comme attribut Al-Hikmah. Et ça, c'est la signification de ce nom-là. Hein? Et ça, c'est contrairement aux Mu'tazila, eux qui prétendent que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas de signification, parce qu'ils nient les attributs. Hein? Donc, ils disent que les noms, ce sont uniquement des noms qui n'ont aucune signification, mais qui ne font qu'indiquer la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, quelqu'un peut s'appeler, par exemple, Zayd. Hein? Quelqu'un va s'appeler Zayd, mais Zayd, ça ne veut pas indiquer aucune signification, hein, par rapport à la personne en question. Ça n'indique pas ses attributs non plus. Toutefois, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pareil. Mais les Mu'tazila, eux, comparent ça de cette façon-là. Ils comprennent ça de cette manière. Donc, le Cheikh, il dit donc, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala indiquent les attributs. Parce que les attributs sont tirés de ces noms-là. Hein, ils sont dérivés de ces noms-là. Ishtuqqa minha. Après, le Cheikh il dit wa asma'ullah al-husna ghayru mahsuratin bi'adad kama dalla alayhi hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fi musnad al-Imam Ahmad yani wa ghayrihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ma asaba ahadan qat هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا ما شاء الله. وهذا الحديث فيه التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى. Donc ça c'est un hadith qui est vraiment merveilleux, et ça c'est un hadith que tout le monde devrait apprendre, surtout le dua qui est dedans est vraiment bénéfique. Hein, surtout que souvent les gens de notre époque, ils ressentent ce genre de problème intérieur, et ce doua-là vient justement nous donner le remède à ces problèmes. Donc qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit les noms d'Allah, les beaux noms d'Allah ne sont pas limités par un nombre spécifique. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas uniquement 99 noms. 99 noms, c'est ce que le prophète sallam a mentionné dans le hadith, qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, celui qui les énumère, qui les comprend, qui agit selon leur signification, qui comprend leurs implications, eh bien, donc il a mentionné ce nombre-là. Mais c'est pas dans le but de les limiter qu'il mentionne ce nombre, mais c'est plutôt parmi les nombres que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait connaître de lui-même dans sa révélation, hein? Et que si on cherche dans les hadiths et dans le Coran, on va en trouver ce nombre-là, mais qu'il peut en avoir plus, hein, qu'il ne nous a pas révélé, qu'il ne nous a pas fait connaître. Et la preuve de ça, c'est dans le hadith que le Cheikh a mentionné, qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud dans la Musnad de l'Imam Ahmad et dans d'autres livres également, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout serviteur, il n'y a pas un serviteur qui est touché par des soucis ou bien par de la tristesse, hein, des tracas, des soucis, de la tristesse, excepté que, si il dit le dua suivant, Allah va lui faire par terre ce qu'il ressent dans son cœur comme yani, tristesse et comme yani, souci ou problème intérieur, et il va le remplacer par de la joie. Allah subhanahu wa ta'ala va le remplacer par de la joie. Et le dua, c'est le suivant. C'est de dire, « Oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Mon tout est en ta main. Et ton verdict est appliqué sur moi. Hein, ton décret est sur moi. Et ta justice, la justice de ton jugement est appliquée sur moi. Je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé toi-même, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as caché auprès de toi dans la connaissance de l'invisible. Hein? Et c'est là ici qu'on a la preuve, ou que tu as gardé auprès de toi dans ta connaissance de l'invisible. Ça veut dire qu'il y a cette catégorie de noms là. Il y a les noms, ici on le voit dans le doha, hein, que par, il y a les tout noms qui t'appartient, par lesquels tu t'es nommé toi-même, ou que tu as fait révéler dans un de tes livres, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou la quatrième, que tu as gardé dans ta science de l'invisible auprès de toi. Ça veut dire qu'il y a des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et des attributs qu'on ne connaît pas et que Allah ne nous a pas fait connaître et qu'il a gardé auprès de lui. Hein? Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le connaître complètement ou le cerner de sa science, hein, l'envelopper de sa science, c'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus grand. Donc le cheikh il dit ensuite, donc le dua, ça c'est le début du dua, hein? Ensuite donc la demande dans ce dua là, c'est quoi? Parce que là on a demandé à Allah, on a commencé l'invocation en mentionnant toutes ces choses là oh Allah, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, hein? Et là tu mentionnes le fait que son jugement est sur toi, que c'est lui qui te tient, hein, par sa main, hein, que c'est lui qui tient ton toupet par sa main. C'est-à-dire tu te remets à lui complètement, tu t'abandonnes à Allah subhanahu wa ta'ala complètement, et tu reconnais que c'est uniquement son jugement qui va être appliqué, hein, et que tu t'en remets et tu as confiance en sa justice, hein, parfaite. Et donc tu lui demandes par ses noms, les noms qu'il a révélés, les noms qu'il a fait connaître dans ses livres, ou qu'il a enseigné à une de ses créatures, comme ses prophètes, ou bien même par les noms qu'on ne connaît pas, mais qu'il a gardé auprès de lui dans sa science. Mais qu'est-ce qu'on lui demande? Il dit, on lui demande que tu fasses du Coran, du Coran al-Azim, le grand Coran, le printemps de mon cœur. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي le printemps de mon cœur, ونور صدري et la lumière de ma poitrine, وجلاء حزني وذهاب همي. C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire partir ma tristesse et faire partir mes soucis ou mes tracas, ou qu'est-ce qui me trouble à l'intérieur. Donc à la fin du doua, après avoir dit ce doua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a personne qui va dire ce doua, hein, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala va lui enlever ce qu'il ressentait comme tristesse et comme humum, hein, dans son cœur, et il va le remplacer par de la joie. Hein? Et n'importe qui a des soucis ou qui a de la tristesse, qui est troublé, qui est triste, qui est attristé, qui est tracassé par des soucis et qui est anxieux, il peut faire l'essai de ce dua. Hein? Il peut le mettre en pratique et ça marche. Hein? Non. Parce que, franchement, beaucoup de fois, ça m'est arrivé et je mentionne ce hadith et ça fonctionne à chaque fois. Subhanallah. Donc, c'est vraiment un dua bénéfique. Le cheikh il dit هذا الحديث فيه التوسل الى الله. Donc il y a même dans ce hadith il y a le tawassul, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses beaux noms. Hein? Après le cheikh il dit وقد كان الانبياء والصالحون يتوسلون الى الله باسماءه وصفاته كما قال تعالى كما قال تعالى عن عبده سليمان عليه السلام أي نعم كما قال تعالى عن عبده سليمان عليه السلام وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فَهَذَا تَوَسُّلٌ بِالصِّفَةِ Donc le cheikh il dit que également les prophètes d'Allah, les messagers et les prophètes, ils font le tawassul en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala par ses beaux noms et par ses belles attributs aussi. Que ça veut dire que c'est quelque chose qui fait partie de l'exemple et de la pratique des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il mentionne l'exemple de Sulayman alayhi salam et du tawassul qu'il a fait par l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne donc dans le verset 19 dans sourate An-Naml ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné du doua de Sulayman. Il sourit amusé par ses propos et dit, c'est après qu'il écoute, il ait entendu la fourmi parler aux autres fourmis. Donc il dit, il sourit amusé par ses propos et dit: permets-moi Seigneur de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi que mes parents et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu as agréée, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Donc, on voit ici clairement le tawassul. Hein? Donc, il mentionne le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde. Et la miséricorde, c'est une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a le droit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses attributs. Oh Allah, je te demande par ta miséricorde. Hein? Un autre exemple aussi, il dit wa fi sahih an Abi Huraira radiyallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna idha akhadhna madja'ana an naqul allahumma rabbis samawati wal ard wa rabbil arshil azim rabbuna rabb wa rabb kulli shay faliqul habbi wan nawa ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا عن الفقر واغننا من الفقر نعم donc le cheikh il mentionne un autre exemple de tawassul et il dit, c'est rapporté dans as-sahih, yani sahih al-bukhari, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de dire lorsqu'on prenait le lit, lorsqu'on allait dormir, de dire le dua suivant. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du grand trône, ô notre Seigneur, Seigneur de tout, et Seigneur de toutes choses, celui qui fait fendre la graine et le noyau, hein, et qui fait descendre la Torah, l'Injil et Al-Furqan, c'est-à-dire le Coran. Donc tu demandes à Allah par toutes ces choses-là. Hein. Ça, c'est des exemples. Hein. Le Seigneur des mondes, le Seigneur du trône, notre Seigneur, le Seigneur de toutes choses, hein, qui fait fendre la semence, la graine et le noyau, et qui fait descendre la Torah, l'Injil et le Furqan. Ça, c'est des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut même lui demander par ses actions de gloire, hein, et par ses actions de majesté, et par les bonnes choses qu'il fait pour nous. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Il demande il dit, je cherche refuge en toi contre tout le mal, hein, contre le mal de toute chose que tu prends par son prêt. Ô Allah, tu es le premier, il n'y a rien après toi. Tu es le dernier, il n'y a rien. Hein, tu es le dernier, il n'y a rien après toi. Ô Allah, tu es le premier, il n'y a rien avant toi. Tu es le dernier, il n'y a rien après toi. Tu es Al-Dahir, falaysa fawqaka shay, c'est-à-dire tu es le plus haut, il n'y a rien au-dessus de toi. Et wa anta al-batin falaysa dunaka shay, tu es le plus proche, il n'y a rien près que de toi, il y en a plus près que toi, hein? Donc et ensuite il demande quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de demander de régler nos dettes. Aide-nous à régler nos dettes, ou règle nos dettes pour nous, et enrichis-nous de la pauvreté. Fais-nous sortir de la pauvreté. Donc ça, c'est des exemples d'invocations dans lesquelles on mentionne les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on mentionne ses noms, et on mentionne ses attributs. Hein. Tout ça, ça fait partie du tawassul, qui est légiféré. Et on a des preuves du fait que c'est légiféré dans les exemples de ces invocations-là chez les prophètes précédents et même chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Wa fi jami' al-Tirmidhi an Anas radiyallahu anhu anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a qal » Donc il dit que c'est rapporté dans al-Tirmidhi selon Anas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa alafdhu » بهذا الجلال والإكرام ألذ بهذا الجلال والإكرام الشيخ explique il dit أي ألزموا هذه الصيغة أو ألزموا هذه الصيغة في دعائكم وأكثروا منها أي ألزموا هذه الصيغة في دعائكم وأكثروا منها. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, dans le Jami' de l'imam Tirmidhi, c'est rapporté selon Anas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alavdhu biyad al-jalal wal-ikram » c'est-à-dire suivez cette formule ou restez accrochés à cette formule dans vos invocations et dites-le souvent, ou faites-le souvent. Donc, vous dites « Ya zal jalali wal ikram ». C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage de répéter et d'utiliser souvent la formule « Ya zal jalali wal ikram ». Ok. Le sheikh, il dit « Wa fil musnadi wa sunan an anasin radiyallahu anhu annahu kana jalisan ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa rajulun qa'imun yusalli » فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا لفظ النسائي. Donc ici le cheikh il explique que c'est mentionné dans la Musnad, et cette narration c'est celle de l'imam al-Nasa'i dans son Sunan, que yani Anas radiyallahu anhu a dit que il était assis avec le messager, avec le prophète d'Allah dans la mosquée, et un homme était debout en train de prier. Alors lorsque l'homme a fait le recours puis le sujoud, et puis qu'il a fait son tashahud, il a fait une invocation et il a dit dans son dua: ô Allah, je te demande, parce que c'est à toi qu'appartient la gloire, c'est à toi qu'appartient la louange, rien ne mérite d'être adoré à part toi, Al-Mannan, celui qui yani donne de ses faveurs et de ses grâces, le créateur des cieux et de la terre sans exemple précédent. Ô toi, celui qui détient la majesté et la noblesse. Ô toi vivant, ô toi qui se suffit à lui-même, je te demande. Alors, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: savez-vous par quoi cet homme a invoqué? Tandis, savez-vous par quoi cet homme appelle le dua? Et les compagnons ont répondu: Allah et son messager savent mieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient mon âme en sa main, il a invoqué Allah par son plus grand nom. Celui que lorsqu'on l'invoque par celui-ci, il exauce, et lorsqu'on lui demande, par celui-ci, il donne. Il donne. Donc il a mentionné que cet homme avait invoqué Allah par son plus grand nom. C'est-à-dire ya hayyu ya dhal jalal wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Donc le cheikh il dit ensuite, donc tout ça c'est des exemples de dua dans lequel il y a tawassul. C'est-à-dire il y a le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs et par ses actions. Il dit ensuite: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثا. قد غفر له أو قد غفر له قد غفر له قد غفر له. هذه أخرجه النسائي عن محجن ابن الأدرع. الشيخ il dit, le professeur sallam a entendu un homme dire dans son tashahhud: ô Allah, je te demande, ô Allah, par le fait que tu es l'unique, le un, l'unique, As-Samad, As-Samad, celui vers qui toutes les créatures se tournent, celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré, et que rien n'est comparable à lui, de me pardonner mon péché, tu es certes le pardonneur et le miséricordieux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a entendu dire ça, il a dit: certes, il lui a pardonné. Certes, il lui a pardonné. Certes, il lui a pardonné. Et ça, c'est rapporté par An-Nasa'i. C'est-à-dire, probablement, il parle de après le tashahhud, parce que c'est recommandé, c'est un des moments recommandés parmi les moments de dua. Lorsque tu termines ton tashahhud, après le tashahhud, et après qu'est-ce que tu dis après le salat al-Ibrahimiyya, c'est recommandé de faire des du'as à ce moment-là parce que c'est des moments où Allah exauce les du'as. Donc avant de faire le taslim et après le tashahhudé, donc il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas. Durant le sujoud, c'est aussi un moment qui est bien de faire des invocations parce que c'est le moment où tu es plus près d'Allah. Mais après le tashahhud dans la prière, c'est avant le taslim, c'est aussi un des moments recommandés pour faire le du'a. Et le cheikh il dit ensuite فهذه الأمثلة والأمثلة كثيرة على التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فعلى المسلم أن يلزم ذلك في دعائه فهو بهذا أحرى للإجابة. Donc le cheikh il dit, ça c'est des exemples, et il y en a beaucoup d'autres exemples aussi qui sont très nombreuses de tawassul. C'est-à-dire de se rapprocher d'Allah par un moyen des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses beaux noms et de ses belles attributs. Et donc le cheikh dit que le musulman doit donc rester attaché à cela dans ses invocations parce que c'est des choses qui vont faire en sorte qu'il va avoir plus de possibilités d'être exaucé s'il demande à Allah par ses noms et par ses attributs, puisqu'on le retrouve dans plusieurs invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le fait, et il encourage même ses compagnons à le faire aussi. Donc ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec la première forme de tawassul dans le tawassul dans par les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite il y a la deuxième catégorie ou la deuxième forme de tawassul qu'on a mentionné, c'est le tawassul par les bonnes œuvres qu'on fait. Le cheikh il va mentionner des exemples. والنوع الثاني من انواع التوسل المشروع في الدعاء ان يتوسل المسلم الى الله تعالى بعمل صالح قد فعله وأدلة ذلك كثيرة جدا منها قول الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ومنها قول الله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومنها قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ومنها قوله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Donc ça c'est des exemples que le cheikh a mentionné, des exemples de faire le tawassul dans l'invocation. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman il invoque Allah subhanahu wa ta'ala par des bonnes œuvres, par le bien qu'il fait. Et parmi les différentes preuves, de ça, il y a des versets que le cheikh a mentionnés. Par exemple, le verset 16 dans sourate Al-Imran, dans lequel il y a une invocation ici, qui disent « Ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. » Donc on voit ici qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on a la foi. Donc c'est comme si tu dis « Ô Allah, nous avons la foi, c'est-à-dire par notre foi en toi, pardonne-nous nos péchés et protège-nous, protège-nous du châtiment du feu. » Donc ça c'est important, ça c'est des exemples de par les bonnes œuvres. La foi c'est une bonne action, ça fait partie des bonnes actions. Également le verset 53 dans la même sourate, c'est-à-dire sourate Al-Imran, Seigneur nous avons cru en ce que tu as fait descendre et suivi le messager, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Ça aussi c'est une invocation, tu dis à Allah, oh Allah, nous avons cru en ce que tu as fait descendre, c'est-à-dire on a cru en ta révélation et on a suivi ton messager, Donc, inscris-nous parmi ceux qui témoignent. Donc, ça aussi, c'est une invocation par une bonne action que tu fais. Le fait de croire en la révélation et de suivre son messager. Un autre exemple, dans Surat Al-Imran encore, le verset 193. Hein? Donc, on voit que Surat Al-Imran, il y a beaucoup de belles invocations dedans. Et celle-là aussi, en particulier, vraiment jolie, vraiment puissante, yani. Hein? Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur, et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, place-nous à notre mort avec les gens de bien. Hein? Et je pense que je vais lire le verset 192 et 194, parce que ce sont, même 191 aussi, parce que tout ça c'est des invocations. Hein? C'est-à-dire, en vérité, 190, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre en disant, notre Seigneur, tu n'as pas fait cela en vain. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi, croyant en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis. Hein, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Hein? Donc, tout ça, c'est des formes d'exemples, de doua. Il y a toujours du tawassul, soit par des noms, soit par des attributs, soit par des bonnes œuvres. Hein? Donc, c'est quelque chose qui est mentionné clairement dans les versets. Et il y a aussi la mention du verset 109 dans Surat Al-Mu'minun, hein, la Surat les croyants. Le verset 109 dans Surat Al-Mu'minun. Donc, il y a aussi une forme claire de tawassul dans ce verset-là. Et il y eut un groupe de mes serviteurs qui dit, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde. Car tu es le meilleur des miséricordieux. Donc on voit ici le fait de mentionner, d'invoquer Allah par la foi. C'est-à-dire, ô Seigneur, c'est comme s'il disait, ô Seigneur, parce que nous avons cru, parce que nous sommes croyants, pardonne-nous donc. Hein, et fais-nous miséricorde. Parce qu'on n'est pas des mécréants, on n'a pas rejeté la foi en toi, contrairement aux autres. On a cru en toi. Parce que nous croyons, pardonne-nous. Car tu es le meilleur des pardonneurs. Ça aussi, c'est une tawassul par l'attribut d'Allah du fait qu'il est pardonneur et par son nom, et par son attribut qu'il est pardonneur. Donc ça, c'est un autre exemple de bonnes actions, de tawassul par les bonnes œuvres aussi. Après, il mentionne des exemples dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa fil musnad wa sunan Abi Daoud عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب فهذا الرجل توسل إلى الله بعمل صالح وهو شهادة الإخلاص وكونه عليها قولا وفعلا واعتقادا. Donc le cheikh il mentionne le dua qui est mentionné dans la musnad et dans la sunan de Abi Daoud selon Bureida ibn al-Husayb, où il dit j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme dire ô Allah, je te demande parce que je te demande, parce que je témoigne que tu es toi, celui qui, que, parce que tu es toi, Allah, celui qui, que rien ne mérite d'être adoré, excepté toi, l'unique, celui vers qui toutes les créatures se tournent dans leurs besoins, hein, celui qui n'a pas engendré, qui n'est pas engendré, et que rien n'est comparable à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a demandé à Allah par son plus grand nom, celui par lequel lorsqu'on lui demande, ou lorsqu'on lui demande, il nous donne, et lorsqu'on l'invoque par celui-ci, il nous exauce. Et donc le cheikh il explique, il dit que cet homme a donc fait le tawassul, hein, et s'est rapproché d'Allah par une bonne œuvre, une bonne action. Et c'est quoi cette bonne action? C'est le témoignage du tawhid et de l'ikhlas, c'est-à-dire de la pureté dans l'adoration. Donc ça c'est une bonne action, et aussi qu'il l'applique et qu'il agit selon ce témoignage, et qu'il a une conviction en ce témoignage. Donc tout ça c'est important et ça fait partie de ça. Il dit وَمِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَمِنْ هَذَا قِصَّةُ أَصْحَابِ الْغَارِ التي رواها عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est un exemple, OK, de l'histoire des trois hommes qui étaient emprisonnés dans une caverne. Hein, ils sont rentrés dans une grotte, dans une caverne, et l'entrée de la caverne a été obstruée par un gros rocher qui leur empêchait de sortir. Bon, je ne vais pas lire tout le hadith en arabe, je vais juste résumer l'histoire en français, puisque c'est une histoire qui est connue, et c'est un hadith qui est célèbre, apporté selon Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a trois hommes qui sont partis, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une caverne, c'était la nuit, donc ils ont dit on va dormir dans cette grotte pour être au chaud et être protégé. Donc ils sont rentrés, puis pendant la nuit, il y a un rocher qui est tombé dans l'entrée de la grotte. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on va invoquer Allah par des bonnes œuvres qu'on a faites pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous libère. Alors le premier a dit, il a mentionné l'exemple de ses parents, son père et sa mère qui étaient devenus vieux, et il avait lui de son côté beaucoup d'enfants aussi. Et il préparait à ses parents chaque soir, quelque chose à manger ou à boire, avant de dormir. Mais ce soir-là, parce qu'il nourrissait toujours ses parents avant ses enfants, par respect pour ses parents, donc ce soir-là, ses parents sont tombés endormis avant qu'ils puissent, manger qu'est-ce qu'il leur avait fait, ou boire qu'est-ce qu'il leur avait préparé. Alors les enfants sont restés à pleurer, à lui demander, mais lui il attendait toute la nuit au pied de ses parents jusqu'à ce qu'ils se réveillent pour leur donner leur nourriture. Et lorsque le Fajr est arrivé, eh bien ils se sont réveillés, alors il leur a donné qu'est-ce qu'il avait préparé pour eux, et ils ont bu ce qu'il avait préparé pour eux. Et il a dit à la fin, j'ai fait ça uniquement pour ton visage, oh Allah. Alors, délivre-nous de ce rocher. Et le rocher s'est libéré un petit peu, s'est enlevé un petit peu. Le deuxième, il mentionne l'histoire de sa cousine paternelle, et il était amoureux d'elle. Et il l'aimait, mais elle se refusait toujours à lui. Et un jour, bon, il y a une année, il y avait elle avait eu des difficultés. Elle n'avait pas d'argent, elle avait besoin d'argent ou de quelque chose. Et donc, à ce moment-là, elle lui a demandé une somme d'argent. Et elle lui a dit, je m'abandonne à toi, mais en échange, tu me donnes cet argent. Et au moment où il se préparait à commettre le péché avec elle, elle lui a dit, crains Allah et ne fais pas l'acte accepté qu'avec son droit. Ne prends pas ma virginité sans que ce soit avec le droit, c'est-à-dire dans le mariage. À ce moment-là, il s'est détourné d'elle et il est parti, alors que c'était la personne qu'il aimait le plus. Donc, il l'a laissé pour qui? Par crainte d'Allah. Pour Allah, pour le visage d'Allah. Des fois, c'est comme ça, regarde, subhanallah. Comme on voit dans cet exemple ici, comment quelqu'un qui s'apprêtait à faire un péché a changé ce péché en une bonne action par laquelle justement il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah le libère d'un malheur dans lequel il se trouvait. Donc c'est quelque chose qui est incroyable, il est merveilleux en même temps. Tu vois que l'état de la personne dans son cœur, dans sa sincérité, quand elle fait un péché, même quand elle est prête à faire un péché, quelqu'un par exemple le verrait au moment où il était en train de faire ça, il dirait à cette personne, elle est perdue. Mais sauf que la personne dans son cœur, à ce moment-là, elle a eu la crainte d'Allah, parce que sa cousine lui a rappelé de craindre Allah, et il s'est arrêté à cause de la crainte d'Allah, pas à cause de quelqu'un il a eu peur de quelqu'un, ou il a eu peur des menaces ou d'autres choses. Non, c'est uniquement pour Allah, et c'est pour ça qu'il a mentionné cette action-là à Allah pour se faire délivrer. Et à ce moment-là, le rocher s'est ouvert encore un peu. Moi, quand j'ai lu ce hadith-là, je me rappelle, au début, quand j'ai lu ce hadith dans l'islam, je me disais, si moi-même j'étais dans la situation de ces hommes, que j'étais pris dans une grotte, j'aurais pu ne pas me délivre de ce malheur. Et ça, c'est une question, quand on se pose, on réfléchit à ça. Est-ce qu'on aurait trouvé une action qui mérite, par laquelle on aurait pu vraiment être exaucé et être libéré de ce genre de malheur-là? Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit juste... Allez, c'est juste une question que je mentionne juste pour nous faire réfléchir, en fait. Nous faire penser à ce genre de choses. Et le troisième, c'est l'exemple d'un homme qui a été engagé par quelqu'un pour s'occuper de son troupeau. Et lui, pendant que la personne était partie, il a fait multiplier son bétail. Et lorsque la personne est revenue, il lui a dit, voici ton troupeau. Il était devenu beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'il a laissé. Alors la personne, quand il lui a dit, voici ton bétail, la personne a été étonnée, elle a dit, est-ce que tu te moques de moi? Il lui a dit non, tout ça c'est à toi. Et il lui a laissé pour Allah. Il aurait pu dire, tout ce que j'ai fait multiplier, ou tout ce que j'ai augmenté de son troupeau, je vais partir avec, ça va être à moi. Non, il a pas fait ça. Il a dit, tout ça c'est à toi. Et il l'a laissé pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert le rocher complètement par la suite. Et ils sont sortis. Donc, ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Cheikh, il dit, فَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ فِي التَّوَسُّلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ إِذْ إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ تَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ تَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ تَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ أَسْمِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ حَيْثُ تَوَسَّلَ الْأَوَّلُ بر والديه بهما والشفقة إليهما فهذا من الأعمال التي أمر الله بها وحث عليها فقال وبالوالدين إحسانا والثاني توسل إلى الله بالعفة عن الزنا بعدما قدر عليه من امرأة شغفته حبا وهذا من الأعمال الصالحة وقد قال تعالى عن عباده الصالحين ولا يزنون والثالث توسل إلى الله تعالى بحفظه الأمان بحفظه للأمانة وأدائه لها وذلك بحفظ حق الأجير وإيفائه إياه دون نقص قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فلما فعلوا ذلك فرج الله كربتهم وأزال عنهم الشدة التي وقعوا فيها donc le cheikh il dit pour résumer l'histoire il dit donc ça c'est la preuve que le tawassul d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par des bonnes œuvres qu'on a faites ça fait partie des formes de tawassul qui sont légiférées et qui sont permises et ce hadith est une des preuves les plus claires à ce sujet là puisque ces trois hommes ont mentionné dans un moment de détresse les actions qu'ils avaient faites précédemment le premier par la bonté envers ses parents et ça fait partie des bonnes œuvres que Allah a ordonnées puisqu'il a dit et la bonté envers les parents dans sourate al-Baqara le verset 83 le deuxième exemple l'homme qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par la mention de la chasteté et le fait de s'abstenir de faire la fornication alors qu'il pouvait le faire et pas avec n'importe quelle femme avec une femme dont il était amoureux et c'est pas n'importe quelle chose donc ça veut dire quoi ça veut dire si par exemple une femme très très laide se présentait à toi et que tu étais peut-être dans un endroit seul avec elle et que cette femme elle est tellement repoussante que tu as envie de t'enfuir d'elle. Est-ce qu'il y a une tentation grande à ce moment-là de commettre le péché? C'est moindre, même si ça pourrait quand même arriver quand même. Ou bien, par exemple, aller dans une situation où c'est quelqu'un avec qui tu es en colère ou tu détestes. Quelqu'un qui est ton ennemi. Une femme qui te déteste et que tu détestes. Même si elle est peut-être plaisante ou attirante. Mais que vous avez une grande haine mutuelle. Ce ne sera pas la même tentation. Mais là, dans ce cas-là, cet homme, il est avec cette femme, il l'aime en même temps. Il est capable. C'est pas aussi la situation d'une femme qui ne veut rien savoir de la personne. Comme si elle veut rien savoir de toi. Non, là, elle te dit, tu peux, vas-y, je te laisse faire. C'est pas la même chose. Et qu'est-ce que lui, il dit, elle lui dit, taqillah, crains Allah, et il s'abstient. Ça fait partie des bonnes actions et des grandes œuvres. Et c'est une des caractéristiques, de la foi. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala décrit ses serviteurs pieux comme étant ceux qui ne commettent pas l'adultère, comme étant ceux qui ne font pas le zina. Et comme dans le verset 68 dans Surat al-Furqan. Et le verset, le troisième exemple, c'est le troisième exemple, c'est l'exemple de la personne qui fait le tawassul par rapport au fait qu'il respecte ses engagements. Il respecte son contrat et son engagement. Et ça, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et le verset 1 dans Surat al-Ma'idah, il est clair à ce sujet-là. Oh, vous qui avez cru, respectez vos engagements, respectez vos contrats. Donc, lorsque ces trois hommes ont fait ces invocations-là, Allah les a exaucés. Et il a retiré d'eux la difficulté dans laquelle ils étaient. هذا فيه تنبيه على فائدة التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة وهي أن ذلك أحرى بالإجابة. C'est-à-dire, on voit ici le bienfait de faire le tawassul à Allah, c'est-à-dire de chercher un moyen de se rapprocher à Allah par l'invocation d'Allah en mentionnant les bonnes œuvres qu'on fait, et ça c'est yani, plus apte à ce qu'on soit exaucé. Et en même temps aussi, pour dire, comme quand on dit, on invoque Allah par les bonnes actions, c'est pas pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant nos bonnes actions comme si on a fait une faveur à Allah de faire du bien. Il faut pas comprendre ça de cette façon-là. Comme si c'est pas pour dire, oh Allah, j'ai été un croyant alors, j'ai fait une bonne chose, donc, tu me dois quelque chose dans ce sens-là. Non, c'est pas ça ici. Mais c'est plutôt yani, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce et par le yani, un bien qu'on a fait yani, pour chercher, pour montrer yani, qu'on recherche plus sa miséricorde et qu'on recherche hein, le fait qu'il nous sauve yani, de ce malheur-là. Il dit ومثل هذا يقال في التوسل الى الله تعالى باسمائه وصفاته فان ذلك من اسباب اجابه الدعاء ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يقول اللهم اني اسالك يا الله بانك الواحد الاحد الصمد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أن تغفر لي ذنوبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال قد غفر له قد غفر له أو قد غفر قد غفر له ثلاثا يعني donc وعليكم السلام ورحمة الله أي نعم donc c'est ça donc le cheikh il dit que il y a aussi dans ces exemples là il dit c'est également le fait de faire le tawassul en Allah par ses noms et par ses attributs. Parce qu'on l'a vu dans l'exemple. Il y a le fait de faire des bonnes, d'invoquer Allah par les bonnes actions et aussi en même temps par nos bonnes œuvres. Hein? Donc, il y a la troisième catégorie et on va la laisser pour le prochain cours, Inch'Allah. Troisième exemple de tawassul, c'est-à-dire de faire le tawassul par l'invocation des hommes pieux qui sont vivants et qui sont présents et qui sont connus comme yani, des gens de bien et des gens de droiture. On leur demande d'invoquer Allah pour nous. Hein? Ça, c'est permis. Et on va en parler au prochain cours, Inch'Allah. Et c'est souvent à cause de cette catégorie, justement, de tawassul que les soupiïnes font des choubouhat. Donc, on va s'arrêter ici, puis on continuera الخشين يكون إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك